Des requins, des tornades de requins. Cette semaine, on a maté Sharknado et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Un tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un broquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à Sharknado de Anthony Ceferrante. À mes côtés pour en parler ce soir, Barbara, bonsoir. Bonsoir Antoine. Julie, bonsoir Julie. Bonsoir. Greg, bonsoir Greg. Bonsoir. Et enfin Mickaël, salut. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Cette semaine, on parle de Sharknado d'Anthony Ceferrante de 86 minutes, sorti en 2013 avec quasiment personne de connu. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. L'ouragan David s'en passe d'être le premier ouragan à toucher les terres. C'est pour ça qu'ils remontent tous vers le nord. J'en ai jamais vu autant, il faut voir les morceaux. Enfin, il pleut à peine. Il pleut des cordes ici. Et je parle pas de plomberie, mais de l'océan. Toi aussi, tu rentres chez toi. J'irai nulle part. La tempête approche, et à vitesse grand V. Je peux pas rester assis à regarder ça sans rien foutre. Dirige droit sur l'aéroport. Il faut la détruire avant qu'elle ne les touche. Accroche-toi. On ne peut pas attendre que les requins nous tombent à nouveau sur le coin de la gueule. Voilà, voilà. Donc c'est du Godard, quoi. Hein. Accrochez-vous, c'est du Nanar 2000. Bah, je pense qu'on est tout, on est unanime. Hein. C'est un super film, quoi. Quand même. L'enfer. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé déjà de ce film? Moi, franchement, j'ai rigolé une dizaine de fois, quoi. Donc, je pense que c'est un bon film. Ah ouais, c'est le critère de sélection de Greg. Hein. Quand il rigole plus de 10 fois, c'est un bon film. Et à moi ouais. Julie, je t'en prie. Vas-y. Non, non, bah, c'était, écoutez, très sympathique, au demeurant, on va dire. Bah, on enregistre à 6h du matin, hein, ouais. Il faut prévenir les auditeurs. Voilà. Reprenez du Fermex. Non, écoutez, c'était très sympathique, mais c'était pas très intéressant, quoi. Barbara. Alors moi j'ai détesté quoi. Ah ouais. Ouais. Mais alors j'ai un message personnel à la personne. Ah, enfin, mon ami requin. Qui nous a proposé tu ce film. Tu détestes les requins, c'est ça? Plus jamais quoi. Non, mais j'ai même pas eu peur. Bah, en théorie, si on l'a peur tout le temps. En même temps, en théorie, si on l'a fait une fois, on le fera pas deux. Donc, ah oui, non, mais plus ce genre de film dommage. Quoi. C'était juste, c'était l'horreur. Ça tombe bien, on fait King Rising la semaine prochaine. Et toi, Mickaël, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, écoute, c'est du nanar à 300%, donc du coup, c'est assumé au final. Difficile d'en dire du mal en fait. J'ai pas trouvé ça génial. Mais et ben moi je trouve que c'est pas un très bon nanar. J'aime bien les nanars et je l'ai trouvé. Je trouve qu'il va. C'est une mauvaise parodie en fait. Ouais, faudrait peut-être liser un peu plus bonne. Pour la prochaine fois sur les castors enfin... zombies peut-être. Non mais tu par vois qu'il t'est allé vraiment un peu plus loin quoi. Mention spéciale pour les effets spéciaux quand même qui sont de toute beauté ou pas. Hein. Bah, je crois qu'on a le budget effets spéciaux, c'est 37€. Il y a la facture. C'est un vrai scandale quoi. Franchement. C'est très audacieux de faire un film avec des requins en images de synthèse quand on n'a pas de budget parce que tu sais qu'ils vont être moches quoi. Donc, en fait, même des tornades pensé... déjà de base. Hein. Ils avaient pensé à faire ça avec des vrais requins mais c'était un peu dangereux. Mais ça a été tourné très rapidement. Hein. Je crois que ça a été tourné en 18 jours ou un truc comme ça. Enfin, ils n'avaient pas beaucoup de thunes, je pense. C'était pas non plus Titanic quoi. En même temps, ils ont quand même pris Steve Sanders de Beverly Hills, quoi. Ça, c'est vrai. Ouais, et d'ailleurs, d'American Pie. Je suis allé à la bibliothèque et donc je suis tombé sur un épisode de Beverly Hills, mais réalisé par Steven Spielberg. Ça, c'est bizarre. Mec ne vieillit pas. Non, c'est vrai. Sanders. Il a toujours la même gueule que dans Beverly Hills. Bah, c'est le blanc. Beverly Hills. Ah oui, attends, tu vas me dire qu'il a pas vieilli. Le gars, Bah non, je trouve que ça va. Je trouve que c'est une catastrophe comme ce film. Quelqu'un résume le. Je pense que déjà les trois mots d'introduction résumaient bien. Ouais. Des requins, une tornade de requins, voilà, c'est tout. Quoi. Oui, moi je veux bien aller plus loin dans l'histoire si vous voulez. Va plus loin dans l'histoire. Vas-y, rentrons dans cette histoire qui est drôlement compliquée. Ouais. Chapitre 1er, la tornade. Chapitre 2, les requins. Parlons, chapitre 3, les tornades de requins. Attends, il y a quand même un chapitre 4 chez le roi Merlin. Oui, c'est vrai. Parlons des personnages. Des enjeux familiaux, des enjeux forts, des liens qui se créent. Donc c'est l'histoire d'un mec qui a un bar. T'as vu tout ça toi? Non, putain, alors là ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un film avec autant de valeur. Hein. putain, le gars, mais, il vomit des valeurs. À la fin du film, il se met les doigts, valeurs, quoi. J'ai même pas noté, quoi, parce qu'en fait, même les valeurs, c'est dans le propos, quoi. C'est dans le nanar, du coup, ça passe, quoi. Du coup, c'est l'histoire. En même temps, les requins, ça fait toujours ressortir les valeurs. Est-ce que vous allez me laisser raconter cette histoire ou pas ? Je déteste les requins, Julie. Donc, c'est l'histoire d'un mec qui tient un bar sur la côte de la Californie, Santa Monica, et avec une serveuse qui a une marque de requin d'ailleurs sur la cuisse, petite. Préparation. Alors une marque de requin de paix. Une cicatrice. On ne sait pas que c'est une marque de requin. On sait oui, pas, mais bon, c'est vrai. T'as une drôle de marque de requin. C'est vrai qu'on s'en doute on pas. On s'en doute un et peu quand coup, même. Donc, tornade de requin. Lui, il s'inquiète parce que son ex-femme et sa fille sont dans une maison qui est, bon, pas sur la côte, mais bon, apparemment, ça va 105, chier des bulles. 120 quoi. Km des côtes. Hein. Ouais, mais... Et du coup, il va essayer d'aller les secourir. C'est ça. Il va essayer d'aller les secourir, puis d'aller secourir l'humanité, l'humanité globalement. Etc. Enfin, donc, l'humanité de Los Angeles. Mais ceci dit, Steve Saunders, ça le nez creux, parce que lui, il se rend compte qu'à 120 km, ça va être dangereux, mais bon, il reste quand même près de là au début. surtout qu'ils sont à 2300 mètres d'altitude. Pour qu'une tornade arrive avec des requins, c'est quand même. Alors oui, on l'a pas expliqué. Donc le phénomène scientifique, c'est que la tornade se crée au large de l'océan à 20 miles du Mexique. Et en fait, s'il y avait un banc de requins à cet endroit-là, et du coup, les requins sont automatiquement aspirés dans la tornade. C'est scientifique, c'est sans doute déjà arrivé. Oui, c'est déjà arrivé. Et du coup, d'ailleurs, il y avait que les requins aussi. Hein? Oui, c'est une histoire vraie. Sharknado est une histoire vraie. Oui. Il y a que des requins. Ah, merde, C'est un documentaire dans ce film, non d'ailleurs. Et oui, il y a que les requins. Il y a pas d'algues, pas de poisson chat. Il y a vraiment que des requins. Ça, c'est une très bonne remarque. Alors, il y a pas de pieuvre. On va faire le listing. Vous le trouverez sur le site de Doisy. Il n'y a pas d'hippocampe. Alors oui, effectivement, il y a que des requins et les requins restent en vie puisqu'ils peuvent respirer si jamais ils sont très très haut dans les airs. Le requin est opportuniste parce qu'il est en train de mourir dans une tornade, c'est-à-dire que parce qu'il faut quand même une heure pour arriver jusqu'en ville à 120 miles. Le requin ne meurt pas, mais dès qu'il arrive, bah, il dégomme tout. Quoi. Ouais, s'il a l'occasion de croquer un morceau, il le fait. Quoi. C'est, même avant de crever. Quoi. Les requins sont des saloperies. Le film s'ouvre donc sur une scène en 3D, mais vraiment infernale. Tu comprends que tu pourrais faire la même chose avec un petit peu de temps. sur une négociation entre un acheteur de requins japonais et un capitaine de bateau pirate je sais pas, du 19e siècle. Une négociation qui va tourner court puisqu'ils ont tous les deux des pistolets, ça n'a aucun sens. Oui, d'ailleurs, moi j'ai pas bien compris, j'étais pas rentrée dans le film, et du coup j'ai vu qu'il lui tendait une boîte avec des hameçons, avec des billets en dessous, je me suis dit que ça faisait très cher pour une boîte d'hameçons quand même. C'était vraiment. Non, mais surtout. Je suis au courant du cours de l'hameçon. Il négocie le prix, et à un moment, il sort un flingue et il lui fait oh, ouais, d'accord, j'accepte ce prix. Oh, mais ça va, c'est une bonne négo. Moi, j'ai pas compris pourquoi il y avait ça comme intro, sachant que, en gros, le mec veut acheter un banc de 20 000 requins. Qu'est-ce que tu fais avec 20 000 requins? Bah, en fait, tu pourquoi manges, tu peux créer une sacrée arme. T'as vu, non, mais de ce que j'ai compris, c'est un trafic d'ailes de requins. Enfin, c'est non, mais vous, ça, non vous savez ce qui se passe, en fait. C'est-à-dire qu'il vend et il rend comestible les yeux de requin, parce qu'il lui fait goûter au début. Il lui tend un bol avec, je sais pas, une espèce de substance blanche. Bah, moi, j'ai cru que c'était un œuf cru, moi, mais. Bah, je sais pas, il a l'air de goûter le requin en tout cas. Bon, en tout cas, c'est les méchants japonais et ils veulent acheter 50 000 requins. Déjà, moi, j'aimerais juste profiter de ce début d'épisode pour vous parler de Sharknado 2 qui se passe à New York dans le monde de Wall Street. C'est les requins de la finance du coup. Ah, voilà. Oh. Et Sharknado 3 va se passer à Brest. On a les premières images là. Donc, ça, c'était la scène d'intro. Ils vont tous mourir sur leur petit bateau en se faisant attaquer par des requins en 3D. Et enfin, on a le vrai générique d'Alerte à Malibu avec une très mauvaise musique rock'n'roll. On a surtout le vrai acteur d'Alerte à Malibu. Ah bon, qui ça? Ouais, le brun, là, son pote qui se fait bouffer la jambe au début. Ah bon? A joué dans Alerte à Malibu. Ah, celui qui est bourré? Ah, il vient de Baywatch, lui? Pardon? Baywatch. Alerte à Malibu en anglais. Ah d'accord, je ne parle pas anglais. Moi, je regarde toutes mes séries en américain, et celle-ci aussi. C'est drôlement mieux. Donc, ils font faire du petit surf et tout, c'est marrant. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est quand ils surfent Steve Saunders. Tu sais, t'as des gros plans sur sa tête et ils sortent deux fois le gros plan. Genre, t'as un plan large où il surfe, on voit que c'est... Enfin, c'est pas lui. Ouais. Et après, t'as le gros plan sur sa tronche, il est là comme ça, il a un grand sourire. Il est trop mal fait. Ce qui est marrant, sans faire non plus insister à mort sur les faux raccords, mais c'est drôle. Il y a énormément de faux raccords, je les ai tous notés. Il y en a 7350. Là, ce qui est marrant, c'est que quand ils filment la mer, il y a des vagues, mais impressionnantes. Et quand ils sont sur l'eau, il y a rien. Ils sont au lac Doménil, les mecs. Quoi. Oui, ils font du surf sur le lac Doménil. Après, il dit, je vais te montrer sais comment on surfe. Et là, il rame. Et puis, tu sais, c'est, genre, c'est plat. Mais il rame où, là? Oui, pourquoi il rame? Et ensuite, tu le vois dans un. Dans un mais en un rouleau, mais genre de 4 mètres. Il y a beaucoup, beaucoup de faux raccords météo. Parce qu'à un moment, il y a une tempête qui va se lever. Et un plan sur deux, c'est genre, il y a 3 nuages. Alors, et ensuite, tu as des images de d'arbres qui s'envolent, quoi. Je suis déçu de ne pas avoir un spécialiste climat au studio ce soir. Alors, parce que figure-toi que je suis spécialiste climat. Ah oui, c'est j'avais oublié, bien sûr. Je suis formation médecin. Climat. Ton bac plus 5 climat. Et parce que je pense que les plus grosses incohérences, c'est sur le plan climatique, hein, quand même. Parce oui, oui. Globalement, si tu veux, le temps est assez changeant, hein, en Californie. Ouais, mais il faut savoir, un petit priori, détail d'anecdote de tournage, c'est qu'ils ont tourné quand il faisait super beau et tout est rajouté en effets spéciaux. Ah bon, ah bah c'est pas si mal fait alors. C'est une super anecdote, dis donc. Pourtant, on y voit que du feu. Hein. Ah oui, d'accord. Alors, j'ai une anecdote, moi aussi. Les requins sont une image de synthèse. Mais je pense que c'est un peu à parti pris dans les faux raccords dans ce truc-là. Le UK, oui. C'est bien. Ouais, je pense que c'est bon. S'en fout, quoi. Alors, ça va virer un peu choco parce que Steve Sanders, il va. Charco. C'est on peut arrêter l'émission là. Hein. On a eu la meilleure blague, on fera pas. Bah, les requins de la finance, c'était bien aussi. Personne n'a ri, mais j'aimerais bien souligner cette blague. Ah, c'est vrai, tu fais bien de la dire une deuxième fois. Non, n'insiste pas, Julie. N'insiste pas. On la fera dans quelques minutes d'émission. Donc, Steve Sanders, il fait du surf, et alors il y a une chinoise qui a envie de surfer. Et alors, pourquoi ça, elle est pas chinoise? C'est fortement déconseillé aux Chinois, puisque dès qu'elle fout un pied dans l'eau, c'est tellement gratuit. C'est clair. Bah attends, t'as déjà vu un surfeur chinois? T'en as déjà vu, Julie? Non mais ça va, ça suffit, c'est un fait. C'est gratuit. Bon bah si vous écoutez, que vous êtes surfeur et chinois, signalez-le. Donc tu sais que tu sous-estimes le nombre de surfeurs chinois qui nous écoutent, hein. Bon ça va, j'ai assez de courriers de femmes déjà la dernière fois. Il y a moins d'associations qui défendent les surfeurs chinois. Donc ça vire choco puisque là il y a un requin qui arrive. Et alors là le requin donc il va croquer un peu dans la bah dans le tas, hein, ouais, ouais. Dans le tas. Bah, ouais, et le requin croque avec 5 enfin il y a 5 cm d'eau et le mec se fait bouffer et tu vois exactement. Pas le il y a 10 cm de fond les mecs ils ont de l'eau mais jusqu'au mollet et les gars ils sont là mais il sort où le truc et il y a un moment qui est je trouve hyper drôle, c'est qu'il y a personne dans l'eau, il y a vraiment personne, il y a le requin qui est en train de manger la chinoise et Steve Sanders il revient, il est dans l'eau et il revient et il parle à tout le monde sur la plage en disant sortez vite de l'eau, il y a des requins et il y a personne dans l'eau. Par non, lui. Mais lui bah mec dit, commence sortez par sortir de l'eau et ouais, lui-même ne sort pas quoi. Enfin c'est non, ça moi que je trouve ouais. Fascinant, c'est sortez de l'eau mais en fait pourquoi toi tu sors pas de l'eau s'il y a des requins quoi. Enfin c'est bah, en fait je crois qu'il dit partez de la plage en fait il me semble. Ouais. C'est ça hein. Il dit ouais, parce plage. Qu'ils peuvent sauter. Alors, déjà, voir, qui a vu ce film en anglais, qui a vu ce film en français? Moi, j'ai vu en français. Français. Il n'y a que moi qui l'ai vu en anglais. Français. D'ailleurs, je crois que le doublage a été fait par l'entreprise Doublage 2000. Hein, oui, c'est ça. fidèle. Ah oui, c'est Doublage 2000, mais c'est la même qui a fait les effets spéciaux. Hein. Ouais, non, bah non, ça c'est. FX 2000. C'est FX 2000. Turbo FX 2000. FX 2000. Ah, ils ont leur loco à la Défense. Après bah, ça, c'est un toit. Il y a un petit clin d'œil qui m'a fait marrer parce que FX 2000 justement font bien leur travail. Il y a un moment, il y a un mec qui est assis dans le sable et il a enterré sa jambe gauche. Ils ont mis du ketchup et ils vont ah on m'a arraché la jambe. Mais ça, je pense que c'est volontaire de médiocrité, mais ça m'a fait rire. Donc ensuite, une fois qu'il a sauvé la, il y a beaucoup de trucs de magiciens qui sont basés là-dessus. Hein. Tu vas être déçu. Sur le ketchup. Sur le ketchup et la jambe enterrée. Et ensuite, le plan d'après, il est dans son bar, tranquille, puisque bon, bah, ça va, il a sauvé tout le monde à la plage. Ouais. Alors, à noter que son ami, justement, qui joue dans Alerte à Malibu, s'est fait bouffer la jambe. Mm. Mais gentiment, hein. C'était plutôt un poisson-chat, oui, je pense qu'il avait attaqué. Rafler. Oui, voilà, il s'est fait rafler. Oui, parce qu'une demi-heure plus tard, il est en train de boire des canons au bar. Exactement. Hein, donc, Julie, ça l'empêche pas de boire la paix. Quand il est 18h, il est 18h. Hein. Alors là, je l'ai noté, ça m'a vraiment fait rire. Il y a énormément de faux raccords boissons. C'est-à-dire qu'il boit, il a une pinte de bière à la main. Le plan d'après, il fait merci, on lui tend un whisky. Et le plan d'après, il a une bouteille de bière à la main et il la verse dans un verre. C'est génial. Il y a tout est mis dans tes ordres. Anecdote, hein, encore une fois, de tournage. C'est fait exprès, ça, je pense. Hein. Non. Donc là, c'est une vraie erreur. Ils s'en sont pas rendus compte. Là, la tempête se lève Et lui, il prend la décision. Elle, encore une fois, il a le nez creux. Il fait évacuer son bar et il dit cette phrase qui m'a fait hurler de rire en français. Il fait vite, vite, il faut que vous sortiez de mon bar. J'évacue le bar. Et mardi, c'est tacos. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'aurais peut-être pu le dire plus tard. Hein. Je sais pas si tu seras ouvert mardi de toute façon. On va aller dans les terres. On va aller à 120 km. Donc là, il y a un requin qui arrive par la fenêtre. Alors ça, c'est pas mal hein, quand même. Là, ouais. déjà, c'est surprenant. Un expert chasse et pêche, Mickaël, comment on gère un requin marrant, qui arrive dans ton bar tout. Bah écoute, il y a deux manières de toute façon à peu près chasser le requin, c'est soit avec une queue de billard, soit avec un tabouret. Et ça tombe bien, ces deux ustensiles sont présents dans le bar. Donc, coup de chance, mais de toute façon ça va se négocier un peu au shotgun aussi. Hein. Ouais. Puisqu'il en a un, voilà. Globalement, dans tout le film, il y a une bonne panoplie d'armes hein, contre le requin, et le requin, il mange hein, comme les autres. Mais il se laisse pas faire hein, quand même. Ouais. Donc, c'est le départ pour les valeurs, puisqu'en fait, sa femme et sa fille qui habitent à 120 km des côtes, donc les personnes les moins inquiétées sur le continent américain, ils décident d'aller les aider. Et de toute façon, il s'en fout, il a perdu son bar. T'inquiète, on leur montrera. Il est couvert par l'assurance. La ville n'est pas conçue pour supporter autant d'eau. Je suis vraiment inquiet pour Claudia et April. Il faut que je les mette à l'abri. Je viens avec toi. Et tu te souviens qu'April t'apprécie pas? Non, mec, c'est toi qu'elle veut pas voir. Moi, elle m'adore. Elle vient d'où, Claudia, à ton avis? Qui est Claudia? Sa fille. T'as une fille en plus de ton ex? Si tu veux, je peux te ramener chez toi. J'habite sur la plage qui est complètement inondée. Je n'ai pas d'autre endroit. On est tous à la rue. Je veux venir avec toi. Pour t'aider avec ta famille. Cet extrait est aussi long que le film. Ouais. Alors moi j'ai une question. Qui habite sur une plage en 2015 quand même, enfin, moi j'ai une question. Est-ce que la serveuse, elle le chope ou pas? Ben non, elle chope son fils. Elle chope son fils. Bah oui, non, mais c'est. Tu l'as pas regardé jusqu'au bout encore. Mais bien sûr que j'ai regardé jusqu'au bout. Ouais. 1h23, t'aurais pu faire un effort. Hein. Non, mais au début, t'as quand même un peu la pression. Tu sais, elle tombe des nues, genre quoi, t'as une femme, quoi. Ah non, mais elle est deg, bien sûr, elle est folle de lui. Non, mais elle a 18 ans en fait. Mais ce qui est assez drôle quand même, c'est que chaque personne de cette famille sert d'élément de rebondissement scénaristique. Toutes les 20 minutes, il y a un nouvel enfant en fait. Oui, c'est ça. Et c'est quoi? Mais t'as une fille. Mais t'as un fils. Mais t'as un fils. Mais t'as une grand-mère, il faut aller la sauver. Mais t'as un chien. Et ceci dit, là, même dans l'extrait, Steve Sanders, il a encore une fois le nez creux parce que les experts ne disent rien, mais lui, il dit... Cette ville n'est pas conçue pour retenir autant d'eau. Mais comment il sait ça? Tu as personne n'en parle. Le mec est barman et surfeur, mais bon, et en fait, il a un doctorat en climatologie. Et on écoute climatologie, urbanisme, tout ce que tu veux. Ingénierie civile. Donc, ils partent en voiture dans les terres. On ne sait pas vraiment où, si à Beverly Hills. Ouais. Oui. Là, il y a encore le bourré. On sait qu'il va mourir tout de suite. Ouais, hein, ouais. Lui, ouais, ah non, moi je m'en suis pas douté parce qu'il a quand même un tabouret. Hein. Ouais. Inondation. Et surtout, il va mourir quoi. Alors, est-ce qu'on peut expliquer? En fait, l'eau monte. On sait pas vraiment pourquoi parce qu'il pleut beaucoup. Et du coup, c'est inondé et il y a des requins dans l'eau douce. Alors moi je trouve que c'est vraiment indécent tous ces requins qui circulent sans permis. J'en ai vu plein qui ont fait des fautes et qui n'ont pas mis leur clignotant. J'aimerais bien qu'on fasse un point justement, ça me permet de rebondir là-dessus. Un point permis. Un point autorité et niveau d'alerte. C'est-à-dire qu'il n'y a que Steve Thunders qui est inquiété. Ouais. Pourtant il y a des requins partout, tout le monde se fait bouffer. Il n'y a pas un flic, il n'y a pas un policier et il n'y a pas une alarme. Il y a une journaliste et on l'entend pendant tout le film. C'est Jenny avec un i. C'est pas ça en VF? Il n'y a pas une histoire comme ça? C'est génial avec un... Mais en plus, ce qui est marrant, c'est qu'ils disent que c'est inondé, mais il y a plein d'endroits où c'est pas du tout inondé. Quoi. C'est genre inondé de temps en temps pour mettre un requin. Et en fait, c'est plus un tsunami qu'une tornade. Oui, voilà, parce qu'il y a des vagues. Mais un coup, c'est inondé, un coup, c'est pas inondé. En fait, c'est les requins, égouts, oui, passent par la tuyauterie. Bah, parce qu'ils connaissent toute la tuyauterie de la ville. C'est des gros tuyaux. Eux aussi, ils sont ingénieurs civils. Oui, voilà. Ouais, c'est très bien, ouais. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Moi, je veux de la tornade, je veux du requin. Ouais. Autoroute, donc là, ils sont coincés parce qu'il y a des requins qui arrivent sur la bretelle d'autoroute. Ouais. Vous vous demandez comment, ben, vous irez voir le film. Alors, putain, là, c'est vraiment le premier élément dramatique, c'est le premier élément larme, puisque Bobby le chien est coincé dans la voiture. Ah, mais pourquoi, quoi? Alors, déjà, la première question, c'est comment un chien s'enferme tout seul dans une caisse? Sachant que sa propriétaire est à l'extérieur, c'est-à-dire c'est lui qui a tiré et qui a fermé la porte en sur le bitonio ou quoi? Il a appuyé sur le loquet. Ouais. Et donc pour sortir un chien de la voiture, il faut le vieux déglingo, il va sauver le chien et il va se faire croquer. Le pauvre. Mmh. Ah, vous avez, spoiler, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a toujours, bah, j'appelle ça les figures en casse-couille, il y a toujours un mec dans ce genre de scène qui fait non, faut trop pas s'inquiéter, tout va bien, et que ouais. deux minutes plus tard, il se fait bouffer. Genre, le connard de service. Bah, c'est mais pas une figure, alors... c'est là du texte. alors, ça, c'est une silhouette. Ce truc-là, avec dans ce film, est usé peut-être genre 8 fois. Mais c'est ça, quoi. C'est, à chaque scène, il y a un mec qui est là qui fait non, mais ça sert à rien de s'inquiéter. Bon, vers la fin du film, tu te dis bah là. Excuse-moi, mais il y a 3 tornades remplies de requins. Il y a peut-être 7000 morts, là, je pense qu'il faut commencer à sérieusement considérer le problème. Hein. Les autorités ferment les yeux. Et quand ils sont en voiture et qu'ils partent pour Beverly Hills, il y a un espèce de montage où tu as l'impression que c'est des vraies images. Pour le coup, je me suis dit, c'est... Bah, c'était la fameuse tornade de requins de 83. Non, mais t'sais, genre des images d'archives. Bah, un peu des images d'archives avec des voitures qui flottent, machin, d'une tempête. Quoi. Ah oui, peut-être, t'as peut-être raison. Ouais. Et je me suis dit, mais... Oui, c'est les seuls qu'on a à peu près probables. Il y a un moment, on voit des gondoles aussi, d'ailleurs. Je vois qu'il y a un problème. Bah, c'est Venice Beach, hein, écoute. Elle était belle, celle-là. Donc là... Je trouve, Mickaël, que tu ris pas beaucoup à mes jeux de mots aujourd'hui, je suis très déçue. Je comptais sur toi. Pourtant, ils sont convenables. Particulièrement convenable aujourd'hui. On va faire un point famille, puisque notre héros, ex-surfeur, ingénieur civil et expert en météo, arrive dans son ex-famille. Donc son ex-femme, au début, c'est une conne, et puis il y a un processus où elle va rapidement devenir gentille. Ouais, très rapidement, c'est-à-dire bah, dès qu'elle a plus son mec, en fait, en deux minutes, elle va passer de over casse-couille à super sympa. Quoi. Ouais, ouais. Généralement, alors, je crois quand t'as un requin voilà. qui mange ton nouveau mari, voilà. ça te fait changer. Hein. Là, je dis... Ça te fait changer l'attitude. Non, ça a été prouvé. Ça te change un homme. Ah, ça, quand tu vis quelque chose comme ça, c'est assez fort. Alors, Ding Dong, ils sonnent chez elle. Ils sont alors sa baraque, elle est tout en haut de la plus haute montagne de Beverly Hills. Voilà, tu sais même pas comment les requins arrivent à y aller. C'est un chalet de montagne d'ailleurs. Tu sais pas comment ils arrivent à y aller ? Tu veux que je t'explique ? On a déjà expliqué. Là, Ding Dong, elle ouvre, elle fait non, mais attends, il est hors de question de s'inquiéter. Derrière, il y a des tornades avec des requins dedans. Je sais pas pourquoi elle veut pas. Moi, franchement, j'ai trop peur. Quoi. Au moment où elle hésite. Il y a une bouche d'égout qui est située devant sa porte. Alors déjà, moi, je remercie pas l'architecte qui a fait ça. Sûrement pas Steve Sanders. Il y a un geyser, mais un truc immense qui sort avec un requin dedans. Ouais. Mec, ça peut arriver à tout le monde. Je suis désolé. Donc, en vrai, si ça arrive, ce qui est marrant, c'est que, à mon avis, tu le laisses tomber au sol et tu le regardes crever. Là, il faut absolument un énorme coup de shotgun et vite rentrer dans la maison. Et là, évidemment, elle s'est remariée. Et elle s'est remariée avec qui ? Avec un turbo-connard. Et vous allez voir, c'est assez gratiné. Oh, le champion de surf. J'aurais dû m'en douter. Et qu'est-ce que tu fabriques ici ? Los Angeles est en train de sombrer. Je pars dans l'arrière-pays et j'emmène ma famille. Finlay, April est à moi. Je te demande pardon ? Ma compagne n'est pas sous ta responsabilité, et à moins que l'on soit le vin du mois, ce que je doute fortement, Claudia non plus. Colin, ne sois pas aussi dur. Il est juste inquiet pour nous. À chaque fois qu'il pleut dans cette ville, tout le monde jure que c'est la tempête du siècle. Et même si c'était le cas, Beverly Hills possède des services d'urgence qui sont exceptionnels. On est en sécurité ici. Les requins sont partout, ils ont envahi les rues de la ville. D'ailleurs, il y en a qui se baignent dans votre piscine. Eh ben voilà. Un requin dans ma piscine, c'est impossible. C'est du génie, je suis désolée, mais ça s'appelle du génie. Du génie. C'est quand même le deuxième requin qui passe par la fenêtre pour dire bonjour. Du génie de mise en scène, c'est-à-dire qu'elle regarde par la fenêtre, elle fait « Oh, il y a un requin dans votre piscine. » Dans ma piscine, c'est n'importe quoi. Ah. Et on remarquera que la femme, elle devient moins casse-couille avant que le mari meure. En fait, elle change. Oui, elle change vraiment très rapidement. C'est pas du tout parce que son mari meurt, hein. Pas du tout. Donc là, lui, il se fait bouffer, il négocie pour se casser du requin. Et là, il faut évidemment un autre objectif. Se casser du requin ? Pour échapper. Pour échapper au requin. Échapper au requin ou casser du requin, tu le fais comme tu veux. Et il faut un autre objectif puisqu'on est qu'à 40 minutes de film. Est-ce qu'on peut juste parler du fait que l'eau elle reste dans cet appart, cette grande maison, alors qu'en fait ils sortent, ils ferment la porte. Il n'y a plus d'eau dehors. Il y a un mètre d'eau. Il y a un mètre d'eau. Mais non, mais c'est les maisons américaines avec un sas. Je trouve ça génial. Non, mais ils étaient dans le garage. C'est vrai qu'ils ont de l'eau jusqu'au nombril dans le baraque et ils sortent par la porte d'entrée en courant. C'est vrai que je l'avais pas vu. Mais celui-là, il y a un drôle de raccord. Surtout comment le requin il est passé de la piscine à la fenêtre. C'est clair. Non mais ça en sautant, à la limite requin sauteur, on le voit plus d'une fois. Et là, c'est génial moi. Et là évidemment il y a le mécanisme scénaristique le plus intelligent du monde, c'est-à-dire on est venu jusque là pour sauver ta fille, maintenant on l'a sauvée, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah on va sauver le fils. T'as un fils aussi. Et puis après ça, faudra sauver ton banquier. Non, mais ce qui est magique quand même dans cette histoire de famille, c'est que tu te rends compte que il voit sa fille. Bah, au début, je pensais que c'était une gamine de 10 ans. Mais non, en fait, elle a 16 ans. Moi aussi, j'ai noté gamine de 10 ans, point d'interrogation. Mais en fait, il l'a eu. Je sais, elle le fait. Il la voit le 20 du mois, une semaine. Alors, c'est un peu particulier. Ils sont drôlement précoces aux États-Unis. Non, mais genre, tu vois ta fille une fois par semaine. Mais non, mais ils ont la majorité à 21 ans. Non, mais une semaine pendant un mois, sur un mois, c'est ridicule. Eh ben ça, il faudra contacter un juge sur place. Et après... De toute façon, la loi américaine est différente. Nous n'avons pas l'autorité compétente, nous sommes en non, France. Mais c'est juste recours en plus. Et juste après, tu te rends compte que son fils, il est dans une école de pilote, mais que lui n'est pas au courant. Ouais, bah oui, mais il n'a pas la garde du fils. C'est ça le problème avec l'édition. Non, mais c'est ridicule. Non, quoi. C'est vrai que les États-Unis sont scandaleux sur ce point-là. Alors, ils partent de la baraque, et là, il y a un très beau plan, c'est-à-dire qu'ils partent en voiture, et ils sont peut-être à 100 mètres de la maison, et la maison explose d'eau. Ouais. Ça m'a vraiment fait éclater rire, parce qu'en plus, tu le vois venir, genre, elle commence à pseudo-gonfler, et là, et là ça fait pouf. Avec moi, de l'eau génial. Dedans, une explosion d'eau, j'ai jamais vu ça. Moi j'ai vu parce que j'ai un oncle plombier, moi j'ai vu qu'il y a des problèmes de tuyauterie dans cette maison. Non mais c'est-à-dire que pour faire exploser une maison d'eau comme ça, il faut vraiment fermer toutes les fenêtres. Ah ouais. Il faut que ça soit bien hermétique. Hein. Non, mais c'est génial, je trouve ça génial. Sachant qu'il n'y a toujours pas d'eau à l'extérieur de la maison. Mais c'est bien pour ça que ça explose. C'est un phénomène physique. Vient un chapitre très intéressant qui est le passage du bus scolaire. Ah. Alors, ce qui se passe, c'est qu'ils vont... Ils vont plus long, hein. Ils auraient pu faire enfant longuée, par enfant. Moi, j'ai cru que c'est un film qui allait durer 6h30. Hein, ça aurait pu être, effectivement, un collège-lycée. Alors, en fait, ils passent devant un bus scolaire. Alors, un bus qui roule à 50 miles et qui ne doit pas descendre en dessous. Là, il est drôlement coincé dans l'eau. Et alors, ce qui est marrant, on se demande comment il est coincé là, quoi. Il est sous le pont, le bus, il est dans la rivière, quoi. Genre il est à pied. Surtout qu'on ne voit personne. On ne voit personne dans le bus. On n'entend aucun cri. Et il fait « Je dois aller aider ces gens ». Mais on ne sait même pas s'il y a quelqu'un dans ce bus. J'ai trop de valeur. Non mais en plus ils disent des conneries comme ça. Il faut absolument qu'il y aille quoi. Ah c'est génial. Mais moi j'ai une anecdote Julie. Non, j'ai un petit détail dans ce film où je me rends compte qu'ils sont tous en train d'utiliser leur téléphone portable. Donc c'est des téléphones portables qui doivent être très étanches, hein, je pense, parce qu'ils sont tous passés sous l'eau au moins trois fois depuis le début du film. Là encore une fois, Julie, c'est les États-Unis. Touché. C'est différent. Alors pendant cette scène du bus, il y a énormément faux raccords hauteur de l'eau. Alors là, l'eau, là des fois ils ont 20 cm, 1 mètre, c'est au-dessus du bus. C'est très variable. Là, ça va, il y a des vagues. Hein. Et donc l'idée, c'est que dans le bus, en fait, il y a à peu près une trentaine d'enfants et un professeur. Il descend en rappel. Ouais, mais il avait le matos, ça tombe bien. Non, mais surtout, déjà, comment il a fait pour arriver en haut du pont, là où il n'y a plus d'eau, puis sa caisse, elle marche. À noter que sur le pont, hein, les gens passent et vaquent à leurs occupations tout à fait convenablement, alors qu'il y a des tornades qui s'abattent sur la ville. Ils ont vraiment été emmerdés des pour tourner sur ce pont, parce que ça hurlait de rire, il y a du trafic, tu sais, ils vont à 30 à l'heure, il y a limite des passants. quand j'ai vu cette scène, j'ai fait, c'est sûr, ils étaient trop emmerdés parce qu'il y a du trafic tout le temps. Je pense que le réel devait faire, il y a des passants, et après, il a dû se dire, oh, bah c'est cool, ça va être encore plus. Non, il devait raccrocher le téléphone et faire « C'est bon, j'ai eu FX 2000, apparemment, ils pourront les enlever. » Turbo FX 2000. Turbo FX 2000 n'a pas fait son travail. Spoiler alors, alerte. L'idée, c'est de remonter les enfants un par un en rappel. En rappel, ouais. Alors, il faut savoir que, parce que Greg, tu disais qu'il avait tout le matériel, bah évidemment, le décathlon n'était pas fermé, juste à côté. Ouais. Moi, je vois très bien où c'est. Hein. J'ai eu peur parce que le premier môme, c'est super long. Je me suis dit « Oh là là, putain, ça va durer des heures. » Il y a un petit montage en rappel. Et là, c'est... Enfin, un gosse comme ça, c'est 6 heures de... Mais des nitroyages, de machin. Mais c'est, non, c'est surtout qu'il leur fait même pas un système de harnais ou quoi que ce soit avec la corde. Vas-y, attrape la corde. Il a pas du tout la force de Ils doivent supporter leur propre poids. C'est totalement impossible. Il n'y en a pas un qui tombe. Surtout qu'ils sont plutôt en surpoids en plus. Bah, ils sont américains. Ah, bah tout de suite les clichés. Ouais, voilà. Donc ils remontent tout le monde, même le professeur. Le professeur fait une tirade en se plaignant du système scolaire américain. Et il se fait... Il ne se fait pas manger par un requin, il se fait écraser par un gros morceau de tôle ondulée. Alors là, ah oui, celui-là, c'est vrai. Celui-là, je le voyais pas venir. Non, c'est vrai qu'on le voyait pas venir, surtout qu'à un moment où il y a un plan large où il est tout seul, bien dehors. Au début, tu le vois venir, t'es mort de rire. Au début, le réalisateur voulait faire Tolondulé Nado, mais bon, c'était pas assez spectaculaire. Une tornade de Tolondulé. Une tornade s'est créée au-dessus d'un hangar chinois. Elle a arraché toute la Tolondulé. Donc là encore, on remercie FX2000 pour cette attaque de Tolondulé, parce que alors là, eux, ils maîtrisent vraiment l'ondulation. Il faut préciser que c'est les lettres de Hollywood, hein, quand même. Hein. Je préfère... L'attaque... Ah, c'est les lettres de Hollywood, la tôle ondulée. Vous avez pas vu ça? Mais si. Non. C'est les lettres d'Hollywood qui passent les unes après les autres. Bien sûr. Ah. Oh, c'est un clin d'œil au cinéma, c'est une mise en abîme. Excellent. Ensuite, ils partent en bagnole et il y a une attaque de requin sur le toit de la voiture. Ah, ça, c'est chaud. Chance. La voiture... Tombe, ouais. Ah oui, alors, du coup, ils réussissent à se débarrasser du requin. Ils sortent de la voiture. La voiture... explose. Je ça c'était génial. Mais j'étais vraiment. Mais je pense que ça devait être le forfait FX2000. Tu sais. Bon, alors vous avez deux explosions, deux explosions et une maison qui dont une dos. Ah bah c'est parfait, c'est exactement. Et voilà la maison, on va la faire péter celle-là. Bah, par contre, si on fait les deux explosions, il va falloir rogner un peu sur le prix des requins. Du coup, ils sont peut-être un peu moins bien faits. Bon, c'est pas grave. On va tout miser sur les explosions. De toute façon, c'est la formule à 590 €. Non, mais moi le coup de la bagnole. Variable en 3 fois sans frais. Je la prends tout le temps. Moi, le coup de la bagnole, j'ai trop aimé quoi. Genre, oh, elle a chauffé. Oh, mais ça risque d'exploser, sortez vite. Et là, bah, elle explose toute seule. J'étais mort de rire. Je trouve ça. C'est du génie encore. C'est du génie. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand t'as plus de bagnole? Eh ben, il faut que t'ailles chercher une bagnole encore plus puissante. Là, il y avait un petit bail de virilité puisqu'ils vont chercher le Hummer 2000, un truc qui a de la nitro, pas possible. Quoi. Juste avant, ils font un petit passage à la supérette. Ah oui, c'est vrai. Où t'as monsieur. Théorie du complot, exactement. Ouais, un Mexicain, évidemment. Et, mais en fait, il y a plein de trucs comme ça. Ils sont très complotistes, les Mexicains. C'est inutile. Complotistos. Ouais, je sais pas. Et alors, moi, quand même, grosse déception par rapport à quand ils voient l'endroit où ils vont aller chercher la voiture, parce qu'il y a écrit Movie Cars, etc. Et moi, je pensais qu'ils allaient choper une DeLorean ou un truc comme ça, un truc super grave. Cool. Ouais, moi, je les voyais sortir avec l'ambulance des SOS fantômes. Quoi. Ouais. Bon, en fait ils sortent avec une voiture de Need for Speed. Ouais, ils sortent avec. C'est la voiture de Fast and Furious, il y a une gazelle dedans. Une voiture de gros beauf, quand même. Il dort dans la bagnole. Entre deux tournées. Et alors là, c'est le film dans le film. Qu'est-ce qu'il y a? Une fausse poursuite de police qui dure une seconde, où il n'y a même pas de plan de voiture de police, c'est juste des bruits de sirène avec des phares bleus et rouges, et du coup ils activent la nitro, ce qui n'a pas de sens. Ah, attends, hein. Je suis désolé. Attends, rappelons que Greg arrive plus de 10 fois, donc il va défendre ce film. Activer la nitro, et si tu l'actives pas maintenant, quand est-ce que tu l'actives? Explique-moi quoi. Le film va rapidement monter en tour puisqu'on arrive au dernier chapitre nommé Mon fils, ma bataille. Donc ils arrivent dans le hangar d'avion puisque son fils est dans... Hangar d'avion ou d'hélicoptère? Non, d'avion. Hangar d'avion avec un avion. Alors je sais pas ce que c'est que cette école, mais elle a pas l'air très sérieuse. Il y a trois petits Cessna. Bah, surtout que ah oui, on rappelle que Barbara est expert en aéronautique. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, j'avoue. Vous pouvez réécouter Top Gun pour ceux que ça intéresse. Vous avez tout un exposé. À vous renseigner sur les avions de chasse dans Top Gun. Alors il y a la professeure de l'école ou la proviseure, on sait pas, mais elle a l'air d'être responsable des trois enfants. Et ah oui, il y a quand même trois élèves. elle se met au milieu du hangar totalement fermé. Et là la tornade arrive par le toit. Toi, oui, c'est vrai. Et il y a que elle qui s'envole. Ça va beaucoup faire, mais on dirait une dépressurisation, tu sais, comme dans les trucs spatiaux. Non, mais il faut savoir une chose. Je vais refaire un point climatologie. C'est que les tornades en Californie sont très sélectives. Elles choisissent leurs victimes. Les méchants. Non, mais les autres se planquent dans le KGB. Mais même qu'il tient la tôle. Oui, à voilà, une main. Voilà. C'est ça. Quand même, c'est un mec hyper fort parce qu'il y a une tornade à côté de lui, il tient la tôle, mais à une seule main. Il tient la tôle pour protéger les siens, exactement. Ouais. Réflexe très américain. Je suis désolé d'insister un peu sur le climat, mais à noter que pendant cette scène, quand il y a des tornades et des ouragans, il fait quand même beau. Il y a quand même du soleil. Oui. Bah oui, mais ça crée. Ça, c'est FX2000, ils avaient rogné aussi un peu. Non, mais tous les nuages sont aspirés dans la tornade. Ça fait sens pour le coup. Donc là, il y a une énorme tornade qui casse tout. Ils sortent, qui ramènent des putains de requins. Mais là, c'est pas encore. Et là, ils sortent du hangar et devant le hangar, hop, un hélicoptère. Alors lui, il était pas là avant. Et ouais, il regarde l'hélicoptère. Alors lui, il a pas un pet. Et il fait, ça marche. Il a l'air d'être en état de marche. Je pense qu'on peut l'utiliser. Le coup de génie. Ça fait un mois qu'il n'a pas vu son père. Mais là, donc ça fait un mois. à peu près qui fait son école d'aéro, mais il se dit que ouais, c'est bon, il peut piloter un hélico, Trunks. Non, mais trois tornades. Ouais. Enfin, là, deux coups de génie. Alors, attends, parce que justement, j'ai un petit extrait audio. D'accord. Puisqu'il passe au bricomarché pour aller chercher des tronçonneuses c'est le roi Merlin, et ouais. des débros pour ne pas hésiter à rentrer dans le végétal. Écoutez ça. Tu crois que tu sauras t'en servir ? Oui, je peux toujours essayer. Parfait. Des bombes. Des bombes ? Attends, il faut un peu d'essence, peut-être. Au lieu de laisser pleuvoir des requins vivants sur la tête des gens, on va monter dans l'hélicoptère et balancer des bombes au cœur des tornades. Comme ça, on les explose en mille morceaux. Ouais, ça me parle, mais c'est pas ce qui va désamorcer les tornades. Les tornades se forment quand l'air chaud et l'air froid se rencontrent. Maintenant, si tu balances une bombe en plein milieu du truc, tu égalises la température. Mais si tu foires, on est foutu. Qu'est-ce que j'entends ? T'es pressé de mourir ? Pas question ! Papa, je suis le seul à pouvoir le faire. Bobby et Noëlla n'ont jamais piloté en solo. Qu'est-ce qui se passe ? Ton fils veut faire décoller l'hélicoptère pour aller jeter des bombes dans la tornade. Eh ben, laisse-le faire ce qui lui plaît, bon sang ! C'est toujours dans sa jupe ! Mais qu'est-ce que j'entends ? Mais qu'est-ce que j'apprends ? Tu veux mourir ? Double coup de génie, parce que jeter des bombes dans les tornades... C'est fabuleux. Deuxième coup de génie, prendre un hélicoptère pour aller dans une tornade. C'est vraiment très intelligent. J'adore. Franchement, c'est vraiment. Scientifiquement, ça se tient. Hein. T'as vu, il a une explication quand même. Hein. Ouais, l'air chaud, l'air froid. Bon. Tout ceci est vrai. Vous savez qu'il y a plein de scientifiques à Los Angeles qui arrêtent les tornades comme ça. Hein. Du coup, il y a plus de morts par explosion de bombe que par tornade. Mais c'est surtout qu'il y a un moment père-fils très fort. Enfin, cette réaction, elle est très belle. Parce que j'ai souvent eu cette discussion avec mon propre père quand il me dit qu'est-ce que j'apprends. Tu vas aller te suicider en hélicoptère dans une tornade. Ouais, là, j'ai beaucoup pleuré. Mais après, il y a quand même dans ton extrait l'explication du pote surfeur. Donc, ce sont que des surfeurs doctorants à LA, qui t'expliquent comment se forme une tornade et que, bien entendu, créer une bombe, c'est en claquant des doigts. C'est la solution. Ça marche comme ça. Donc ensuite, hug time hélico. Donc là, on est à l'américaine. Donc avant de partir mourir en hélico, généralement, on fait des gros hugs à tout le monde. Et surtout, on raconte sa petite histoire de pourquoi on s'est fait mordre par un requin vie c'était de la merde et notre grand-père il est mort à cause d'un requin et on va aller défoncer la gueule des requins pour se manger de son grand-père. Parenthèse, revenge moi time. Je hais moi-même les requins donc je suis tout à fait d'accord avec toi. On a prêté des requins. Les surfeurs chinois, on peut y aller, mais les requins, s'il te plaît, quand même. Et ceci dit, quand elle raconte son histoire de requin, elle s'en sort bien parce qu'elle a juste une belle cicatrice ultra grosse, mais bon, elle a encore sa jambe quoi. Alors que le fils, avec son accident de toboggan, il a une vieille cicatrice dégueulasse. Ah oui, c'est ce que je me suis dit. Mais ça, à mon avis, ça a été maltraité, ça, parce que justement, ça a vraiment une sale figure, hein, son truc. Hein. Ça annonce la suite qui sera toboggan nado. L'attaque des toboggans tueurs. Je suis tombé d'un toboggan quand j'avais 5 ans. Je vais me venger. Je les déteste tous. Et il y a un petit moment aussi qui sert à rien. Je pense que ce film pourrait faire 20 minutes, en fait. Ah bon ? C'est quand t'as la fille qui te fait une crise d'ado au milieu de tornades de requins. Ah oui, la crise d'ado, j'en ai pas parlé. Non, mais t'as juste envie de lui foutre une gifle. Ouais. Là, il y a un dialogue qui m'a vraiment fait rire. Il monte dans l'hélico, il décolle, ils sont à 30 mètres d'une tornade dans un hélico, genre ça commence à secouer assez vénère. Lui, il pilote l'hélico et il demande à la serveuse qui est à côté de lui, qui n'est jamais montée dans un hélico de sa vie, elle le précise, et il lui fait... Ça va, tu n'as pas trop peur ? Et elle lui dit non, ça va. Ça va ? Putain, t'as des coronets, ça, hein, quand même. Parce que là, je serais même pas dans l'hélico. Elle est aveuglée par sa haine du requin. C'est vrai que. J'ai des petites anecdotes, si vous voulez. Est-ce que vous savez qu'il y a plein de. Bah, du coup, vous vous en doutez, mais plein d'hommages, références à Jaws, Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. Est-ce que vous en avez repéré quelques-uns ou pas du tout ? J'avais noté les requins. Il y a des requins. Les morsures. J'ai noté les requins. La mer. La mer. Et je crois qu'il y a une scène où il fait pas très beau dans Jaws. Pareil. Ouais. Et le sang. Non, pour de vrai, en gros, ils arrivent à buter un requin de la même façon qu'à la fin des Dents de la Mer au tout début du film. En plus, quand ils montent dans l'hélicoptère, je sais pas comment c'est en VF, mais en anglais, c'est We're gonna need a bigger chopper. on va avoir besoin d'un plus gros hélico. Et en plus, à un moment, je sais pas si vous avez remarqué, il y a un requin qui tombe devant le Hollywood Theater. Vous savez, c'est là où il y a toutes les avant-premières et tout ça. Et en fait, il y a juste la marque des mains de Steven Spielberg en dessous de la marque du requin. Si vous mettez une petite pause, vous pouvez le voir. Voilà, c'était la petite minute anecdote. Ouais, je pense qu'il faut le revoir du coup. Oui. Donc ensuite, on arrive. Je pense qu'il a dû apprécier. Si ouais, oui, il a dû pleurer. J'imagine. Ouais. On termine rapidement. Les requins arrivent à la maison de retraite. Alors, c'est n'a aucun sens. c'est encore une fois, c'est du génie. Alors là, génie, puisque un requin va tomber dans la piscine de la maison de retraite et notre héros va arriver, mettre du kérosène dans la piscine pour la faire exploser. Il met du kérosène, mais il en met un litre. Il met juste un litre et bon, ça prend bien. Et la piscine. C'est même pas ça prend, ça explose quoi. Il va littéralement exploser la piscine. Mais moi je me suis demandé si après le tabouret, après la queue de bière, il n'y avait pas à avoir le déambulateur contre le requin quoi, parce que franchement ça aurait été une très bonne idée. Il n'aurait pas osé quand même. Non mais là à la fin ça aurait été incohérent, je dis. Attends, à la fin il y a une scène où le fils il va balancer des bombes dans la tornade depuis l'hélico et il va tout regarder de la fenêtre de la maison de retraite, mais genre il regarde, on a l'impression qu'il regarde un truc qui est à 10 mètres, enfin tu sais, tu vois rien, c'est un hélico quoi. Ouais. Et il regarde et genre il fait ouah, attention, tu sais, genre mec, après, il fait que dalle, éloignez-vous de la fenêtre. Encore cette phrase de génie. À noter quand même à noter qu'ils étaient occupés à faire un puissance 4 pendant la seconde. Vous avez remarqué le petit jeu sur la table. Méga scène finale avec méga scène finale. Il est fier de son fils. Ah oui, alors. Et alors là, est-ce que tu peux raconter cette scène? Je pense que ça, c'est. Attends, non, alors, il faut préciser que la serveuse. Préparation paiement. Ouais. Hein non, mais non. La serveuse est morte. La serveuse, on pense que la serveuse est morte. On pense qu'elle s'est fait bouffer par elle un requin. Elle tombe de l'hélicoptère et elle tombe dans la bouche d'un requin qui était dans la tornade. Proba relativement faible, mais voilà, ça arrive. Enfin, il y avait beaucoup de requins quand même dans la tornade, donc il y avait quand même, c'était pas si simple que ça. C'est vrai qu'il y en avait quand même drôlement. Et donc là, attaque du requin, le Jaws arrive parce que justement, il est vraiment gros, celui-là, c'est vraiment gros. C'est un peu le final boss, quoi. Ouais. C'est le final boss. Et Steve Sanders est là avec sa tronçonneuse et il rentre dans le requin. Ah, il fait un face to face. Et bam, il ressort du requin en découpant le requin de l'intérieur. C'est Pinocchio, quoi. Ah, mais c'est marrant parce que j'ai noté, il y a peut-être Gepetto dans le requin. Tu vois, je pense qu'on a. Et il y a la meuf dedans. Ouais. Et coup de chance parce que quand il rentre avec sa tronçonneuse dans le. Il ne se prend pas un coup dedans. Il ne tape pas dans la petite serveuse. Surtout, j'imagine les retrouvailles. Ah, bah, t'es là, toi. Donc, elle est ensemble, mais bon, il y a quand même le hug time. D'un seul coup, une fois qu'ils ont fait ça, il y a du soleil, il n'y a plus. Il y a plus un seul nuage. Et ensuite, il y a des requins morts partout. Ça doit puer le poisson, mais infernal. Franchement, moi je trouve ça dur. Ils ont vraiment passé un sale quart d'heure. C'est, franchement, T'imagines la municipalité ramasser les requins le lendemain? Le dernier. Les services d'urgence la municipalité de Los Angeles sont de qualité. Hein, attends, au prix du requin que payaient les Japonais du début, la municipalité va sans doute refaire le faire la mairie. Hein. Ah oui, ils finissent quand même le film en disant sacrée journée. Ah bah tu parles. Tu m'étonnes. Ah bah moi je le souhaite à personne, ça, franchement. Non, je trouve ça vraiment dur. Quoi. Et le mec perd son bar. Le mec perd son bar quand même au début. Bon, moi je trouve que c'est un excellent film et je pense que c'est le meilleur film qu'on ait fait depuis le début à 2 heures de perdu. Moi je dois avouer que je suis passé en accéléré. Toi tu l'as regardé en accéléré, toi, évidemment. Non, parce qu'il était un peu bugué mon fichier, du coup, quand je mettais à l'accéléré, ça sautait. C'est pour ça que tu l'as aimé en fait, parce que les autres, quand tu les vois en 5 minutes. Ah, c'est peut-être ça. Mais moi je l'ai regardé. Vitesse normale et à la moitié j'ai vu combien de temps il restait, j'ai fait bon allez un petit plus 10% et puis toutes les 10 minutes j'en ajoutais 10% parce que j'en pouvais plus, j'ai fini le film à 150. Tu t'y mets aussi, c'est bien. Donc globalement ça vous a plu, pas plu? Oui, non, ouais. Bon, c'est fait. Moyen. C'était notre avis sur ce film, c'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion, n'insistez pas, c'est inutile, vous savez les avis c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. J'ai 4 commentaires, j'ai 2 0 étoiles et 2 5 étoiles. Allons-y. Chouette programme. Alors, un commentaire 0 étoiles, on commence par les 0 étoiles. Virginie qui nous dit « Quelle croûte !» D'habitude, je suis très bon public, hein. J'en ai vu des films pourris. Hein. Mais celui-là, même en le prenant au 10e degré, je n'ai pas réussi. Bon, j'étais morte de rire tellement c'était nul. Oh, les effets spéciaux sont pires qu'un film de série B. Les acteurs sont nuls. Bref, j'ai du mal à comprendre les bons commentaires, car même en se forçant, j'ai vu la moitié du film en accéléré. Ça, c'est pour toi. Et pourtant, elle n'a rien compris. On a Même Touch qui nous dit « Non mais sérieux, c'est quoi ce film? Image pourrie, jeu d'acteur, le top du caca !» Crédibilité zéro. Ah, des requins qui attaquent en bande, des guignols inutiles, Je sais même pas comment vous pouvez noter cette chose 2,7, escroc. Deux commentaires 5 étoiles, on a Benjamin G qui dit: ce film est clairement un chef-d'œuvre dans la catégorie nanar et film de requin. C'est une catégorie, hein, nanar et film de requin. Outre les personnages stéréotypés au possible, les effets spéciaux du niveau d'un Dracula de Coppola, je trouve un peu sévère d'ailleurs, et un scénario bateau, c'est surtout l'imagination des réalisateurs qui frappe le plus. Parce que qu'on se le dise, le film est peut-être, voire sûrement un navet, mais qui n'a jamais voulu voir un requin voler hors de l'eau, aspiré par une tornade et envoyé, et envoyé oui. sur des citadins. Bah ça, moi, c'est très juste. C'est très juste ce qu'il dit encore. Et enfin, dernier commentaire, c'est Benedetto Fabrice qui nous dit... Ah, alors, toi, tu vas regretter d'avoir laissé ton identité complète. Il intitule son commentaire « Intéressante réinterprétation du mythe d'Ulysse ». Mais il fait 20 lignes de commentaires. Intéressante réinterprétation du mythe d'Ulysse. Ah, j'ai fait les coupes en plus. Il dit: encore un film d'Orquin, me dit ma femme en soupirant. D'Orquin. Sa femme doit en avoir marre. Et pourtant, l'audacieux Anthony Ferrante se sert des codes archi connus du film catastrophe pour déconstruire le mythe d'Ulysse dans une perspective deleuzienne. Oh mon dieu. Prenons le héros. Deux points. Surfeur hors pair, entre parenthèses, hors pair, il est séparé de sa femme et de ses enfants. Hors repère, horaire égale horreur. On voit que le symbolisme prend sa place dès le début, ouais. Il assiste, accompagné de son ami Baz, entre parenthèses, Baz égale fondation égale racine, à l'arrivée des premiers squales. Sortez de l'eau, hurle-t-il. C'est poumonnant comme lui-même ne sort pas de l'eau, alors que lui-même ne sort pas de l'eau tout de suite. Oh, certainement à cause d'un traumatisme durant l'enfance. Traumatisme dont dans la nature nous reste inconnu. Et paf, les bestioles se jettent sur les Californiens. Et ça claque des mâchoires, niap niap niap. Et ça frétille la queue, il y en a partout. Donc, tel Ulysse rentrant chez lui après un long voyage, entre parenthèses, voyage représenté par sa gestion de bistrot. Il a cru que c'était un commentaire. Mais il est pas bac. Prof en université, ce mec. Fait, Yann vit plein d'aventures. Sur Sharknado, quoi. Toutes plus émouvantes les unes que les autres. Tous les passages en 4x4 de points. Quand la caméra est à l'extérieur, on voit les passagers, mais quand la caméra est à l'intérieur, on ne voit que du blanc dehors. Mise en perspective de l'isolement de nos héros. Dénonciation courageuse du Patriot Act. C'est de l'ironie. Bah oui, c'est impossible. Passage du bus de points. Mais ça aussi, c'est un génie. Autant que le réel. Passage du bus de points. Il a vraiment pris du temps en plus pour écrire son truc. Quoi. J'ai fait fou, énormément En même temps, nous, on prend du temps pour enregistrer sur Jacques Nadeau. Alors. En même temps, on lit sa merde aussi. Hein. Bon, je vais faire une micro-sieste et puis j'arrive. Passage du bus de points. Ulysse roule près d'un bus scolaire où toute la symbolique du film éclate au grand jour, attiré par le chant des sirènes, qui est pour lui le désir de se rendre utile. Il file sur le pont, au-dessus du bus. Bus lui-même immobilisé dans l'eau grouillante d'Orquin. Ulysse, sur le pont, descend pour sauver les écoliers. Et oui, le bus était farci de loupio. Putain, farci de loupio. Scène homérique. Les gamins sont sanglés par notre héros, restés dans le bus. Et c'est son ami Baz sur le pont qui, seul et à la force des bras, remonte la vingtaine de gosses un par un. Et croyez-vous que les gosses, déjà remontés, lui fileraient un coup de main à Baz? Que dalle. Apprécions ensemble, s'il vous plaît, la mise en pièce de la famille américaine et son enfant roi. Bref, 5 étoiles, amplement mérité, croyez-moi. Voilà, c'était notre avis et celui des autres et d'un immense connard sur le film Sharknado. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de King Rising. Je sens qu'on va prendre du plaisir. Entre-temps, n'hésitez pas à laisser un commentaire 5 étoiles sur iTunes en laissant un nom de film si vous voulez qu'on le tire haut. Regardez les films du chapeau parce qu'il y a des films qui sont suggérés plusieurs fois hein, quand même. Ouais, faites attention parce qu'on s'il y a deux fois le même film, on met pas deux papiers, ça n'augmente pas les probabilités. Ah non, on n'enregistre pas deux fois Sharknado, c'est hors de question. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.